Radiomatique. Taken off the conscious name. amorcer la transmission 400 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo Sons Signature, composée de la chanteuse Elizabeth Fraser, membre du défunt groupe Cocteau Twins, et du batteur Damon Reese, qui a fait partie, entre autres, des groupes Echo and the Bunnymen et Spiritualized, en plus de collaborer avec des groupes comme Massive Attack et Goldfrapp. Du premier mini-album homonyme de Sons Signature, lancé le 18 juin 2022, nous entendions la pièce Underwater. Et allons-y maintenant avec la formation argentine Gotan Project. Thank you. No pude recibirte lo que puedo ahora. No pude darte más. No pude verte ni resisto ahora. No pude darte más. Audiomatic, nous venons d'écouter le projet Lagar Tihando et sa pièce Chankana Cosmica apparaissant sur l'album Jayaya, un mot en langue quechua qui signifie la célébration de l'harmonie et du mieux-être. Il s'agit donc du deuxième album de Lagar Tihando, paru en 2019. Avant cela, c'était l'artiste canadienne d'origine colombienne Lido Pimienta, de qui nous écoutions la pièce No Pude, de se retrouvant sur son plus récent album Miss Colombia, sorti en 2020. Et on amorçait la séquence musicale avec la formation Gotham Project et sa pièce Peligro, tirée de l'album Tango 3.0, publié en 2010. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste nigérien Mdou Mokhtar. Afrique victime de tant de crimes, si nous nous tîmes, il nous dessine. Me fait la voix, me folie. Man ma felewen Afrique victime. Il s'agissait à Audiomatic du tubiste et tromboniste britannique Tian Cross et sa composition Panda Village de son premier album solo intitulé Faye Ya et lancé en 2019. Tout juste avant, nous avions droit à l'artiste nigérien Mdou Mokhtar. Il nous présentait la chanson-titre de son plus récent album Afrique Victime paru en 2021. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois en compagnie des sonoristes avec le projet Chlorophylla. Nous venons tout juste d'entendre une pièce de l'artiste Ruben Blades, qui est un grand compositeur, acteur, réalisateur et producteur panaméen. De son album Cantares del Subdesarrollo, publié en 2009, nous écoutions la composition Segunda Mitad del Noveno. Avant Ruben Blades, nous entendions le groupe Los Gatos Blancos et la pièce El Chacarero tirée de la compilation Saturno 2000, La Rebajada de los Sonideros, qui présente en fait le mouvement de la musique Rebajada au Mexique dans les années 60 et 70. Le terme Rebajada signifie en quelque sorte de réduire ou de ralentir afin de mieux faire ressortir les instruments et les détails de la musique, une intervention sonore qui s'appliquait plus particulièrement au genre musical de la cumbia. Et on amorçait cette séquence sur la musique de Clorofila, le projet du musicien mexicain Jorge Verdín, auparavant membre du Nortec Collective. La pièce que nous avons écoutée, intitulée Cantamar 72, se retrouve publiée sur l'album du Nortec Collective qui se nomme The Tijuana Sessions Volume 1 et paru en 2001. En conclusion de cette transmission 400 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe australien Psychedelic Porn Crumpets, tiré de l'album Night Gnomes, sorti le 22 avril 2022. Nous entendrons la pièce Slinky Holy Water. Les sonoristes présenteront la transmission 401 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Et celle-ci sera ensuite disponible en différé et accessible, notamment grâce à nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc le groupe Psychedelic Porn Crumpets et leur chanson Slinky Holy Water. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Trying, I could sleep in the gutter.